là, tu, si je te parle là, tu m'entends? Ouais, réponds-moi tout de suite. Ah oui? Réponds-moi tout de suite, voilà la danse, tu vas voir ce que ça donne. Ah oui, ça marche, c'est ça, ok, c'est beau. Ok, salut. C'est ça le truc, si on veut parler. Ben oui, c'est ça le truc. Bon. Il fait beau lieu, il vend son studio? Ah, mais Frog, il va être en axe à guette classique. Mais non, il a le doigt, il est bon. Parce qu'il m'entend. C'est joué. T'as un peu, il m'a dit, ben c'est ça, cette crise de clic-là, check-moi bien. Ah, mais mute-le. Ah, dans ouais, le bas, tu peux le muter. Pas de clic, ben oui. Ah, ok. Hey, mettez ça à vitesse que vous voulez, man. Ha ha ha!